إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication au sujet des fondements de la da'wa salafia et on est arrivé à la partie où on explique les questions qui ont rapport avec le hajr, c'est-à-dire les règles au sujet de faire le hajr par rapport au mubtadi'. Al-hajr, ça veut dire quoi? Ça veut dire de cesser de fréquenter, de couper les liens, de ne plus s'adresser, de ne plus parler, de ne plus fréquenter des gens de bid'ah. Juste avant ça, au dernier cours hier, on a parlé du fait de faire des débats avec les gens de bid'ah. Il y a juste un ou deux exemples que je voudrais mentionner par rapport aux paroles des salafs à ce sujet-là. Par exemple, l'histoire ou l'exemple de l'imam Mohammed ibn Sirin, lorsque un mubtadi' est venu pour argumenter avec lui ou débattre avec lui. Il lui a dit, Mohammed, laisse-nous discuter avec toi pour qu'on te lise juste un verset dans le Coran. Il a dit non. Il a dit, laisse-nous discuter avec toi, on va te lire juste un hadith. Il leur a fait comme ça. Même pas la moitié d'un hadith. En voulant dire, même pas la moitié d'un hadith. Il leur a dit, soit vous levez immédiatement, ou soit je me lève et je m'en vais. En voulant dire, je veux rien savoir avec vous, je veux pas discuter avec vous. Hein, je ne veux pas rentrer dans aucune discussion, même pas sur un hadith ou un verset. Et quand ils sont partis, les gens qui étaient avec lui ont dit, est-ce que tu ne pouvais pas les écouter ou juste lire un hadith ou un verset de Coran avec eux? Et l'imam Mohammed ibn Sirin a dit, je crains que ces gens-là me récitent le verset ou le hadith et qu'ils déforment sa signification et puis que à cause de ça, ça reste dans mon cœur et que je m'égare à cause de ça. Donc ça c'est un exemple, ça c'est un des bienfaits de ne pas débattre avec les gens de bid'ah sur les questions de religion. Hein, parce que d'un côté, comme on a dit hier, c'est une sorte d'humiliation pour eux, on les dénigre, on les ignore, on leur montre qu'ils n'ont aucune valeur. Et d'un côté, en même temps, on protège notre cœur. Et également aussi, il y a une chose, c'est que les jeunes bid'ah, parfois, quand tu débats avec eux, ils utilisent qu'est-ce que tu leur enseignes pour essayer de justement jeter plus de choubouhat encore par la suite. Donc ça, c'est un autre exemple à ce sujet-là. Maintenant, pour rentrer dans le sujet dont on veut parler aujourd'hui, la question de hajr al-mubtadi', le fait de boycotter les jeunes bid'ah, ainsi de suite, il faut commencer déjà par expliquer qu'il y a deux catégories de hajr. Deux catégories de boycott par rapport aux gens en général. Il y en a une qui est interdite et une qui est permise. Le hajr qui est interdit, c'est que tu te sépares ou que tu cesses de faire le salam ou de fréquenter un musulman avec lequel tu as un conflit ou un désaccord sur des affaires de la dunya plus que 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas permis à deux musulmans de cesser de se fréquenter ou de se parler plus que 3 jours. Hein. Donc, si quelqu'un t'a un problème avec lui dans des affaires de la dunya, des problèmes d'argent, des problèmes de comportement, quelqu'un il t'a dit quelque chose que t'as pas aimé, il t'a parlé d'une façon pas correcte et tout, donc tu dis, ah, moi je vais plus lui parler. T'as pas le droit de rester fâché contre lui et de t'écarter de lui plus que 3 jours. Après 3 jours, c'est le meilleur d'entre les deux qui va vers l'autre. Et celui qui yani continue par la suite et qui veut pas réconcilier, alors il commet un péché dans ce cas-là, et ça c'est grave. Tandis que il y a une autre catégorie de hajr qui est pas limitée par une limite de temps. C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas changé, ne s'est pas repenti, n'a pas abandonné ce qu'il fait, il faut continuer à la boycotter. Et ça, c'est dans le cas de la personne qui est sur la bid'a, la personne qui est dans, qui a des contradictions avec l'islam dans les principes, dans les fondements de la aqidah, dans les fondements du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, ou bien qui a des grands péchés et qui les fait publiquement, ouvertement, devant les gens. Alors dans ce cas-là, il faut continuer à cesser de fréquenter cette personne jusqu'à ce qu'elle se repente et qu'elle cesse. Hein? Et donc le cheikh il dit عشرًا ضوابط في هجر المبتدئ. أولا الهجر الشرعي نوعان أحدهما بمعنى الترك. Donc الهجر الشرعي, le hajr selon la sharia de l'islam, il est de deux catégories. Le premier, bima'na tark, dans le sens de laisser tomber ou d'abandonner quelque chose, ou de s'écarter de quelque chose, ou de s'éloigner de quelque chose. Et le cheikh il dit, wa qala cheikh al-islam, al-hajr al-shar'i naw'an, ahaduhuma bima'na tark al-tark lil-munkarat, wa al-thani bima'na al-uqubata alayhi, bima'na al-uqubata alayha. Donc le cheikh explique que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que de faire le hajr selon la sharia, il est de deux catégories, dans le sens du fait d'abandonner les péchés et dans le fait de punir ceux qui le font. Donc la première signification, c'est d'abandonner qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bid'ah, ou ainsi de suite. Et la deuxième signification, c'est comme une punition pour la personne qui commet ces péchés-là ou ces innovations ou des choses de ce genre. Et une chose importante à comprendre aussi, c'est que le hajr, il doit se faire dans les trois degrés. C'est-à-dire, on doit faire le hajr, c'est-à-dire se séparer des gens de bid'a ou de péché, par notre cœur, par notre langue et par notre corps. Ça, c'est les trois degrés. Hein? Donc, c'est pas juste le hajr avec le corps, ou le hajr avec la langue, que tu lui donnes pas le salam ou des choses comme ça, mais c'est le hajr fondamentalement et principalement et primordialement avec le cœur. Et ensuite, les autres catégories. Si, par la suite, on va voir que si c'est possible de faire le hajr, si c'est pas possible de faire le hajr avec le corps physiquement, ou bien de le faire par la langue, le minimum, c'est par le cœur, et ça, t'as pas d'excuse pour ne pas l'appliquer. T'as pas d'excuse de ne pas l'appliquer parce que le cœur c'est le minimum. Ok? Et personne peut t'empêcher d'appliquer cette partie-là puisque c'est dans ton cœur. Hein? C'est de détester le mal puis de détester la personne qui le fait et ainsi de suite. Et ça rentre dans Al-Wala Al-Bara aussi. Donc on va voir ça en détail, Inch'Allah. Donc le Cheikh, il mentionne des preuves à ce sujet-là, au sujet de Al-Hajr. On peut mentionner par exemple le hadith par exemple des trois personnes qui s'étaient abstenues de participer à la bataille de Tabuk. Ok, il y avait Malik, je pense c'est Ka'b ibn Malik barakallahu fik, qui s'était abstenu de participer à la bataille de Tabuk, qui n'était pas parti dans l'expédition, et il y a deux autres avec lui également dont j'ai oublié les noms, mais qui n'étaient pas partis. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, eux ils n'ont pas cherché d'excuses. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont admis, hein, avec toute sincérité, qu'ils n'avaient pas d'excuses pour s'abstenir de venir à l'expédition de Tabuk. Puis ils ont attendu que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Et effectivement, par la suite, pendant 40 jours, plus que 40 jours, hein, aucun des musulmans de Médine ne leur adressait la parole, même pas le salam, pendant 40 jours. Hein? Pourquoi? Parce que ça c'est une autre catégorie de hajr. C'est pas des disputes ou des désaccords dans les choses de la dunya. Ça c'est des choses qui sont reliées avec la religion. Et les ulama, quand ils parlent du hajr, ils mentionnent cet exemple pour montrer que c'est jusqu'à ce que la personne se soit repentie et qu'on accepte par la suite sa repentance. Là après, on peut lui adresser le salam et agir avec la personne correctement. Et donc ça c'est un exemple. Puis après il y a aussi des versets dans le Coran qu'on a mentionné dans les cours précédents qui prouvent et qui supportent ce principe-là aussi. Comme par exemple le verset 68 dans Surat Al-An'am. Le Cheikh il dit: فالأول هو المذكور في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Et ça c'est les versets qu'on avait expliqués dans les cours précédents. Puis la suite de ce verset-là, c'est وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Donc qu'est-ce que ça signifie ce verset? C'est si tu vois ceux qui pataugent ou qui déforment ou qui insultent la religion, se moquent de l'islam ou bien déforment le sens des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, argumentent dans le faux au sujet du Coran et de la Sunna, alors écarte-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre parole. Et si le shaitan t'a fait oublier à ce moment-là, alors du moment que tu te souviens ou que tu te rappelles, alors ne reste plus avec ces gens-là, ne reste pas assis avec ces gens-là qui sont des gens injustes. Et ensuite dans l'autre verset ça dit et pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui restent avec eux dans le but de leur ordonner le bien ou de leur interdire le mal pour quand ils sont capables de changer la situation, alors ceux-là, il n'y a pas de péché pour eux puisque ils font ça dans le but de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire un rappel à ces gens-là qui sont en train de faire le mal, de les ramener au droit chemin. Donc ça c'est une condition, si tu es capable de changer le mal, tu peux rester avec eux pour les ramener au bien. Mais si tu peux pas changer le mal lui-même, tu quittes. Donc le Cheikh il dit, en mentionnant encore une fois les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit فَهَذَا يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ. أنا يا لود فيرسي aussi. وقوله تعالى وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Donc ça c'est le verset 140 dans sourate An-Nisa. C'est une autre preuve au sujet de Al-Hajr aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a fait descendre sur vous dans le livre que si vous entendez qu'on se moque des versets d'Allah et qu'on les traite de mensonges ou qu'on les rejette, alors ne vous assoyez pas avec ceux qui font ça jusqu'à ce qu'ils parlent d'autres sujets et qu'ils rentrent dans autre chose. Sinon, vous serez comme eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler les munafiqin, les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Donc ça c'est un autre verset à ce sujet-là. Le Cheikh il dit فهذا يراد به انه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم وقوم دعوا الى وليمة فيها خمر وزمر ولا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب فيها أو يشرب عليها الخمر. Donc le Cheikh il a dit que la personne donc elle doit pas assister à l'endroit où on commet des choses haram et être témoin de ça sans qu'il y ait une nécessité ou un besoin à ça. Dans le sens que s'il voit des gens qui sont assis à une table et qui boivent de l'alcool, ou bien qu'il est invité dans un walima et qu'il sait que dans cette fête ou dans ce walima, cette fête de mariage, il y a de la bière, il y a de l'alcool, du vin ou du champagne ou de la musique ou n'importe quelle chose, autre chose haram, de la mixité entre les hommes et les femmes ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, il ne doit pas y assister. Il ne doit pas répondre à l'invitation. Malgré que de répondre à l'invitation d'une walima, c'est obligatoire, si. T'as pas d'excuse. Mais quand tu sais qu'il y a des choses haram, tu n'as pas le droit de répondre à l'invitation. Contrairement à la personne qui assiste ou qui va participer, qui va aller là-bas, mais dans le but de changer le mal. Dans le but de dire à ces gens-là que ce qu'ils font c'est haram et qu'ils doivent cesser de le faire. Dans ce cas-là, oui, il peut assister dans le but de changer le mal, mais si c'est juste pour assister, rester assis, regarder les gens et il accepte, non, ça c'est pas correct. Donc, le cheikh, il dit, c'est pour cette raison-là qu'on dit que toute personne qui est présent, qui assiste à un munkar et qu'il ne le change pas, c'est comme s'il le fait lui aussi. Hein? Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas à une table où l'alcool est servi. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas à une table où l'alcool est servi. Le cheikh il dit ensuite, وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات. كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان. فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى والرجز فهجر. Donc le cheikh explique que cette catégorie de hajr ou de boycott, ça rentre dans la même catégorie que le fait de s'écarter de ce qui est haram, le fait de s'écarter de ce qui est mauvais. Et également, ça rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que al-muhajir, celui qui est un immigré, si on veut, c'est celui qui a quitté ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de faire. Donc, quand on parle de hajr, ça rentre avec la signification du mot hijra en arabe. Hein? Le mot hijra qui est de quitter un pays mécréant ou un pays où il y a beaucoup de désobéissance à Allah et de péché pour aller dans un pays où il y a de la sunna et où il y a de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam. Ça c'est la hijra, hein, quitter les pays des mushrikines et des kuffars pour aller dans les pays des mu'minines. Ça fait partie du hajr aussi. Ça rentre dans le même sens, ça vient de la même racine que al-hijra. Donc, tu quittes le pays où il y a le kufr, tu quittes le pays où il y a le shirk de façon apparente, et tu quittes le pays où il y a la bid'a de façon apparente. Et il y a des gens, des fois, ils posent la question parce qu'il y a certains takfiriens, ils font le takfir des pays musulmans actuellement, puis ils disent, ah, mais il n'y a pas de différence d'être ici que d'être dans un pays musulman, puisque ils disent que pour eux c'est la même chose, puisque dans les pays musulmans, il y a des péchés également, et il y a des désobéissances, ou bien il y a certaines formes de shirk parfois qui sont pratiquées, ou des choses de ce genre. Et également, ils disent que ici en Occident, par exemple, il y a des mosquées, il y a des choses comme ça. Des fois, même certains pays, certaines villes, on entend l'adhan. Et les ulama, ils ont expliqué que pour qu'on dise d'un pays que c'est un pays musulman, c'est on regarde le pays de façon générale, puis on regarde qu'est-ce qui est le plus apparent en termes de religion. Donc, si tu vois que dans un pays, par exemple, comme ici, par exemple, s'il y a une mosquée, ou en Angleterre, on a dit qu'il y avait une mosquée où on entendait le adhan dehors. Donc, il y en a qui disent, si vous dites que le pays musulman, c'est le pays où on fait le adhan, où on entend le adhan, ça veut dire que l'Angleterre, c'est un pays musulman. Et la réponse à ça, c'est que non. Puisque ça, c'est peut-être dans une mosquée ou une ville ou dans quelques villes, mais c'est pas arrivé à un point où ça devient une caractéristique distinctive de ce pays-là. Quand ça devient une caractéristique distinctive de ce pays-là, dans le sens que c'est partout et c'est dans le pays en entier et c'est partout qu'on entend le adhan à l'heure de la prière, là tu dis ça c'est un pays musulman. Même si dans ce pays-là, on va y retrouver par exemple des péchés, on va y retrouver par exemple de l'alcool, on va retrouver par exemple certaines manifestations de shirk comme l'adoration des tombes ou des choses de ce genre, mais c'est pas ça qui est le plus apparent dans le pays. C'est pas ça qui distingue ce pays-là de façon apparente. Qu'est-ce qui distingue ce pays-là, c'est au contraire, c'est l'islam de façon générale. Donc c'est ça qu'on prend en considération. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a expliqué dans certains de ses livres que les pays sont, les États sont comparables à des êtres humains. Et il se peut que dans un seul et même être humain, il y ait de la foi et de la mécréance aussi, en même temps. Ou de la foi et de l'hypocrisie en même temps. Hein? Donc, c'est ça qu'on prend en considération. Ou bien un pays dans lequel, bon, il y a de l'islam, mais en même temps, il y a certaines bid'ah, certaines innovations. Si c'est des innovations qui sont pratiquées, par exemple, par-ci, par-là, et que des gens pratiquent comme ça, mais que ça ne devient pas une caractéristique distincte spécifique de ce pays, tu dis que c'est un pays de l'islam, et que ça reste un pays musulman, et qu'il y a des bid'ah dedans, ok? Ça, on peut le corriger et faire la da'wah, corriger ces innovations-là. Mais si ça devient, comme par exemple dans un pays comme en Iran, où c'est la bid'ah qui est apparente, et c'est elle qui est au-dessus, et que si quelqu'un est sur la sunna, on ne lui donne pas le droit de faire la khutbah, ou de donner des fatwas, ou d'enseigner la religion, ou d'être en avant, hein, ainsi de suite. Là, ça veut dire que ça, c'est un pays de bid'ah. On insulte les sahaba ouvertement, on rabaisse la sunna, on élève le shirk et on écrase le tawhid, ça devient un état ou un pays de kufr et de shirk et de bid'ah. Et c'est obligatoire dans ces cas-là pour un musulman qui a la capacité de quitter ces pays-là pour aller vivre dans un pays où il y a la sunna qui est de l'avant et où il y a l'islam appliqué de façon générale. Comme on l'a dit, ça devient, dans ce cas-là, on considère que c'est un pays musulman, même s'il y a des défauts, même s'il y a des manques. Mais quand même, la base, c'est que c'est l'islam qui est dans ce pays-là. Wallahu a'lam. Donc, ça, c'est à propos de ce sujet-là. Maintenant, parmi qu'est-ce qu'on a lu également, il y a aussi le fait, comme le cheikh, il dit que, donc c'est ça, de quitter l'endroit où les kuffars et les munafiqins t'empêchent de pratiquer ta religion et de faire ce que Allah t'a ordonné pour aller vers les autres, et de là vient l'explication ou le verset وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ dans surat Al-Muzammil, et l'autre c'est Al-Muddassir, ça c'est dans Al-Muddassir وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, donc c'est-à-dire et écarte-toi des idoles, écarte-toi, وَالرُّجْزَ, le mot dit ar-rujz, c'est les idoles, fahjur, hein? Fahjur, c'est le verbe impératif de al-hajr, c'est-à-dire de s'en écarter, et écarte-toi, va-t'en, hein? Laisse-les, abandonne-les, hein? Donc c'est ce que ça signifie. Donc ça, c'est par rapport à au hajr, tel qu'on l'a mentionné, par rapport au fait d'abandonner le péché et tout ce qui est bid'a ou qu'est-ce qui est contraire à l'islam. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est dans le but d'appliquer le hajr en tant que punition ou en tant que moyen de faire revenir la personne de ce péché-là. Et ici, à ce point-là, il est important de comprendre qu'il y a différents objectifs dans lesquels on applique al-hajr. Quand on boycotte un individu ou une personne qui fait la bid'a et qui appelle à la bid'a, il y a des objectifs derrière ça. Et parmi les objectifs, premièrement, il y a al-ibada. Donc c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu fais ça, hein? Ça rentre dans l'adoration d'Allah. Deuxièmement, ça fait partie de al-wala wal-bara. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait partie de al-wala wal-bara parce que tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aimes tout ce qui est sunnah, tout ce qui est obéissance, tout ce qui est bien, et tu détestes tout ce qui est bid'ah, tout ce qui est péché, tout ce qui est kufr, tout ce qui est shirk, et ainsi de suite. Hein? Et tu détestes tous ceux qui appliquent ces choses-là, qui font des péchés, qui font des bid'ah, qui font du kufr et du shirk, et tu aimes les gens qui sont sur l'islam et sur la sunna, et ainsi de suite. Et bien entendu, comme on va le voir plus tard, c'est selon des degrés. Plus la personne est forte dans sa foi, forte dans sa pratique et forte dans le bien, tu dois l'aimer, hein, relativement à ça. Puis, si la personne est musulmane, elle a l'islam, elle est sur la sunna, mais en même temps il y a des faiblesses ou il y a des manquements, tu dois l'aimer pour le bien qui est en elle et détester par rapport à ce péché qui est en elle. D'accord? Tandis que si c'est un kafir ou un mushrik, là dans ce cas tu détestes la personne de façon générale, puisque elle n'a pas de base, cette personne-là, sa base c'est le kufr ou le shirk, donc tu la déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale et absolue. Oui, de faire le hajr, c'est une adoration, ça rentre dans l'adoration, puisque ça rentre dans le fait d'appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire. Et on sait que l'adoration dans l'islam, c'est de faire toute chose qui fait plaisir à Allah. Toute chose que Allah, toute parole ou action, intérieure ou extérieure, que Allah aime, hein, que Allah aime et agrée. Hein? Donc ça rentre dans l'adoration. Et ensuite, donc on doit appliquer ça avec les gens, al-wala ou al-bara. Il y a une parole qui a été mentionnée dans Al-Hilya de Ibn Abi Nu'aym, et cette parole, c'est selon Yusuf ibn Asbart. Je l'ai pris en note parce que je trouvais que c'était une parole vraiment bénéfique. Ça dit: Sami'tu Sufyan al-Thawri yaqul: إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه عليه لم تحبه في الله. إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه عليه لم تبغضه في الله. لم تحبه في الله. C'est ça. Donc ça veut dire, si ça veut dire que l'imam Sufyan al-Thawri, un des imams parmi les imams des salaf, il a dit: si tu aimes quelqu'un pour Allah, ou en Allah, puis que la personne fait dans l'islam une bid'a ou un péché quelconque, ou une faute quelconque, puis que à cause de ce péché ou de cette innovation qu'il fait, tu ne le détestes pas, ça veut dire que tu ne l'aimais pas pour Allah. Ça veut dire que ton amour et ta haine, c'est le thermomètre ou le baromètre de ton amour. Hein? Lorsque tu vois que, par exemple, c'est un baromètre pour ta foi et pour le fait que, est-ce que tu aimes vraiment pour Allah ou bien tu l'aimes pour autre chose? Est-ce que tu l'aimes pour des intérêts de la dunya ou bien est-ce que tu l'aimes juste parce que tu t'entends bien avec la personne mais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Donc, si tu vois la personne, tu l'aimes quand elle est sur l'islam, et quand elle est sur la sunna, et quand elle est sur le bien, puis que lorsqu'elle commet des bid'a ou des péchés, tu continues à l'aimer de la même manière, ça veut dire que tu ne l'aimes pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu l'aimes vraiment pour Allah, ton amour pour cette personne doit diminuer lorsqu'elle s'éloigne de l'ordre d'Allah, ou lorsqu'elle commet des péchés, hein, et lorsqu'elle désobéit à Allah. Donc tu dois vérifier et remettre en question ton cœur par rapport à ces choses-là, pour être sûr que ta façon d'être avec les gens, c'est vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça doit se manifester dans ton comportement et dans ton attitude. Il y a des gens maintenant parmi les gens qui parfois ils se disent: oui, moi je suis sur la sunna, je suis salafi, je suis le Coran et la sunna. Puis tu le vois que il fréquente tout le monde, il fait pas de distinction. Il va s'asseoir avec des gens de bid'a, des takfiri. Il va s'asseoir avec des gens de bid'a, des hizbiyin, des soufis, n'importe qui. Puis il va s'asseoir avec des salafis par la suite. Il rit avec tout le monde. Quand il est avec eux, il est pareil. Il agit pareil avec tout le monde. Et un des imams des salafs, on lui avait posé la question à ce sujet. On a dit à propos de quelqu'un, hein, qu'un tel, il s'assoit avec les gens d'Ahlul Sunnah, puis il s'assoit avec les gens d'Ahlul Bid'a. Donc qu'est-ce qu'on dit à propos de cette personne? Et l'imam, hein, en question, j'ai oublié le nom, je ne sais pas si c'était Ayyub al-Sartian ou un autre parmi les imams des salafs, il a dit: ça c'est quelqu'un qui veut mettre à égalité la vérité et le faux. Ça c'est quelqu'un qui veut mettre à égalité la vérité et le faux. Parce qu'il est avec tout le monde. Il est avec les gens de sunna, il est avec les gens de la bid'a. Et il agit avec eux pareil, tout le monde. Hein? Et il prétend être sur la sunna. Là, il y a un problème. C'est-à-dire, pour lui, la vérité et le faux, c'est à égalité. C'est la même chose. Et c'est ça qu'il veut faire. Donc, il y a des gens comme ça aujourd'hui. Allah musta'an. Naam. Donc c'est ça. Comme on disait. Donc, il y a cette attitude-là de la part de certains. Et ça, c'est incorrect. Et il faut corriger ça. Parce que sinon, ça ne devient pas sérieux. Ça veut dire l'attachement de la personne. Son attachement à la sunna, elle n'est pas sérieuse. Donc, comme on a dit, pour revenir au point, c'est qu'il y a des objectifs qu'on essaie d'atteindre. On a dit qu'en fait, il y en a cinq. Cinq objectifs. La première, c'est d'adorer Allah, alaykoum salam, parce que c'est une adoration, al-hajr. Le deuxième, c'est al-wala wal-bara, parce que ça rentre dans le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. La troisième, c'est al-amru bil-ma'ruf wa-nahi anil-munkar, parce que ça rentre dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. La quatrième, c'est al-nasiha, parce que al-hajr, on l'applique. Une des grandes raisons pour laquelle on l'applique, al-hajr, et qu'on boycotte les gens qui font des péchés publiquement ou bien qui font des bid'a et qui appellent à ça, c'est pour justement donner le bon conseil aux musulmans et les avertir et les mettre en garde contre l'égarement. Et la cinquième, c'est rujou'u al-mubtadi' an bid'atihi. La raison pour laquelle on le boycotte, c'est avec l'espoir que cette personne elle revienne et qu'elle se repente de sa bid'a. Hein, quand elle voit que la personne qui est avec lui, elle cesse de lui parler, elle cesse de la fréquenter, ça lui fait mal, ça lui fait de la peine dans son cœur et elle se demande pourquoi. Et quand elle sait que c'est à cause de sa bid'a ou à cause de son péché, elle va cesser de le faire, inshallah, et elle va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Puis, à partir de ces cinq points-là, il faut bien les noter et les mémoriser parce qu'on va y revenir par la suite quand on va parler de notre sujet. Et naam. La première, c'est que c'est une adoration d'Allah. La deuxième, c'est que c'est, ça fait partie de al-wala wa al-bara. D'aimer pour Allah et de détester pour Allah. La troisième, c'est que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et la quatrième, c'est que ça fait partie de donner le bon conseil aux musulmans. Et le cinquième, c'est dans l'espoir que le mubtadi', il revienne et qu'il se repente de son innovation et de sa bid'a. Le mubtadi', l'innovateur. Donc ça, c'est les cinq objectifs qui sont visés dans l'application du hajr. D'accord ? Pardon, reviennent, du fait de gagner qu'il cesse de faire sa bid'a et qu'il revienne à la sunna. Qu'il revienne à la sunna, qu'il se repente. Hein? Qu'il fasse tawba. Donc là, on va rentrer dans la deuxième catégorie, mais je pense qu'on doit s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, on va continuer ça, inshallah, la semaine prochaine. Et, bismillah, on va clarifier plus de choses, parce que là on n'a pas assez de temps avec les heures de prière qui sont rapprochées malheureusement. Donc c'est un sujet qui nécessite beaucoup de détails, d'explications. Donc on va continuer dans ce sujet-là la semaine prochaine. On va reprendre certains points pour clarifier plus en détail, inshallah, dans la suite. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليه يعني كما دي ما لا يدرك كله لا يترك كله donc si on peut profiter un petit peu c'est mieux que de pas profiter du tout.